Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoire Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler des résultats des européennes en France et en Lorraine et de la situation globalement en Europe. Quels sont ces résultats justement ? Alors avec 31,5% des voix et 30 élus au Parlement européen, le Rassemblement national mené par Jordan Bardella devance de loin les autres candidats. Derrière, la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Ayé récolte 14,5% des suffrages, à quelques encablures de l'alliance entre le Parti socialiste et Place publique, portée par Raphaël Glucksmann, elle obtient 14% des voix. Quels autres partis dépassent les 5% et envoient donc des députés européens ? La quatrième place revient à la France Insoumise, représentée par Manon Aubry à 9,89%. Elle est suivie du parti Les Républicains de François-Xavier Bellamy, 7,24%. En sixième position, la tête de liste écologiste Marie Toussaint, 5,50%, qui devance finalement d'un rien l'extrême droite de Marion Maréchal, 5,46%, candidate donc de Reconquête. Toutes ces listes franchissent ainsi le fameux seuil des 5%, condition en France pour obtenir des eurodéputés, ensuite répartis à la proportionnelle parmi 81 sièges qui reviennent à notre pays sur un ensemble de 720 au Parlement européen. Et donc, comment vont être répartis les 81 sièges, sachant que 6 partis ont dépassé les 5% nécessaires pour avoir des sièges ? Alors maintenant que nous connaissons les partis qui dépassent les 5%, ceux-ci vont se partager les sièges en fonction de leurs résultats. Le Rassemblement National obtient 30 des 81 sièges, ce sont donc les 30 premiers de la liste Rassemblement National qui obtiendront des sièges. Quand vous avez mis votre bulletin, vous aviez vu, il y avait 81 noms, ben là ce sera les 30 premiers. Avec 14,5%, la liste Renaissance obtient donc 13 sièges, ce seront donc les 13 premiers de la liste Renaissance qui vont occuper ces sièges, etc. etc. Le Parti Socialiste Place Publique obtient lui 13 sièges, la France Insoumise 9, les Républicains 6 sièges, Europe Écologie Les Verts 5, Reconquête 5 sièges aussi. Et en Lorraine ? Alors en Lorraine, la liste Rassemblement National de Jordan Bardella est arrivée en tête dans chaque département. 46,03% dans la Meuse, 41,96% dans les Vosges, 40,48% en Moselle et 35,79% en Meurthe-et-Moselle. Le taux de participation dans la région Grand Est s'élève à 51,53%. Metz crée aussi la surprise permettant à Bardella d'obtenir 23,95% des voix. Nancy reste à gauche avec Glucksmann à près de 20%, devançant nettement Bardella à 16,16%. Dans le Grand Est, la participation aussi progresse, notamment grâce à la mobilisation des électeurs du Rassemblement National qui ont porté la liste Bardella donc à plus de 40%. La liste Renaissance accuse une déroute cinglante, Europe Écologie Les Verts est en très net recul également et Raphaël Glucksmann réalise un score assez nettement au-dessous de son résultat national. François-Xavier Bellamy résiste dans le Grand Est, enregistrant un résultat flatteur, alors que Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise, enregistre une progression aussi assez nette. Vous nous l'avez donc dit, une participation en hausse pour ces élections. Oui, le taux de participation pour les élections européennes 2024 atteint 52,5% en France métropolitaine. En 2019, à la même heure, 52% des électeurs de l'Hexagone et de la Corse s'étaient rendus aux urnes. Un chiffre néanmoins bien supérieur au scrutin européen de 2014, 42,4%, et de 2009, 40,6%. Merci Adam, on marque une petite pause musicale et on revient tout de suite pour parler d'élections européennes. Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin. Et la mer était belle et nous courions vers elle main dans la main. Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant, les mettant à mon oreille pour entendre, je me rappelle l'océan dedans. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle, mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Tu avais tout. toujours si fin, les fruits mûrs et le vin étaient pour toi. Je te grondais quelquefois lorsque tu ne mangeais pas, ce n'était rien. Et l'on s'allongeait sur le sable, nos rêves étaient semblables, je me souviens. Nous parlions de la maison, des enfants que nous aurions, et nous étions bien. Soleil, je t'aime, et pour toujours, tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Et c'est toujours lui le soleil qui fera mes réveils chaque matin. Soleil d'hiver ou d'été, il voit les amours passer chagrin. Combien faudra-t-il de plages, combien d'autres visages pour comme toi oublier la maison et l'enfant aux cheveux blonds que nous n'aurons pas. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle des élections européennes et de leurs résultats. Alors, quelle est la situation en Europe ? Alors, on évoquait la participation. Eh bien, au niveau européen, la participation a elle aussi augmenté. Du 6 au 9 juin, 51% des électeurs européens se sont rendus aux urnes pour choisir les membres du nouveau Parlement, selon les premières estimations de l'institution. Un chiffre qui est légèrement supérieur à celui du précédent scrutin il y a 5 ans, qui était de 50,6%. Alors en Europe, quelle est la force en tête au Parlement européen ? Tout d'abord, on note une relative stabilité globalement sur la composition du Parlement européen. Selon les estimations du Parlement, le groupe de la droite traditionnelle conservatrice enregistrerait quelques députés supplémentaires au sein de ses rangs, 189 contre 177 avant le scrutin. Donc les partis nationaux affiliés à ce Parti populaire européen, donc cette droite conservatrice, dont LR en France, c'est justement LR a rejoint ce groupe, arrivent en tête dans de nombreux États. À commencer par l'Allemagne, le pays d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'alliance entre le CDU et le CSU obtiendrait un peu plus de 30,2% des voix et pour 30 des 96 sièges réservés au pays. En Pologne, la coalition du Premier ministre Donald Tusk sort également en tête du scrutin, 38,2% et donc 21 sièges, tout comme le Parti populaire espagnol, 34% et 22 sièges. Ou encore Nouvelle Démocratie, la formation du chef du gouvernement grec Kyrios Mitsotakis avec 29% des voix et 7 sièges. Les conservateurs arrivent également en tête dans les trois pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ainsi qu'en Finlande. Une percée de l'extrême droite est à noter. Oui, l'extrême droite européenne progresse quant à elle dans un certain nombre d'États membres. Outre la victoire du Rassemblement national en France avec 31,5% des voix, les partis eurosceptiques gagnent du terrain comme en Autriche où le Parti de la Liberté arrive en tête et double le nombre de ses sièges, 6 au Parlement européen. Sans surprise, Fratelli d'Italia de la première ministre Giorgia Meloni arrive également premier et fait plus que doubler le nombre d'eurodéputés, 23 contre 10 avant les élections européennes. Malgré une fin de campagne mouvementée, et une exclusion du groupe Identité et Démocratie au Parlement, l'AfD, Alternative für Deutschland, enregistre également une forte progression en Allemagne, 15,9% et 16 sièges, et se place deuxième. En revanche, les partis de la coalition gouvernementale menée par le SPD du chancelier Olaf Scholz enregistrent un lourd revers. Aux Pays-Bas, le Parti pour la Liberté de Geert Wilders enregistre une forte percée en envoyant 7 représentants au Parlement européen, contre un seul élu en 2019. Certains partis d'extrême droite connaissent cependant des déconvenues. En Hongrie, le Fidesz de Viktor Orban fait moins bien qu'en 2019 avec 44% des voix, contre 53% il y a 5 ans. Même constat pour les ultra-conservateurs du parti polonais Droit et Justice qui perdent 7 eurodéputés, donc 20 sièges avec 32% des voix. Et les démocrates de Suède ne se hissent quant à eux qu'au 4e rang pour les élections européennes et récoltent 3 sièges. Enfin, les sociaux-démocrates sont stables, les Verts et les libéraux en baisse. Oui, les partis de centre-gauche conservent le deuxième effectif au Parlement européen avec 135 parlementaires contre 139 dans le Parlement européen sortant. Les sociaux-démocrates connaissent ainsi un sursaut au Portugal où ils remportent l'élection d'une courte tête après avoir échoué de peu lors des élections législatives en mars dernier. Les Suédois placent également les sociaux-démocrates en première position, tout comme les Maltais. Les partis écologistes sont en revanche à la peine s'ils arrivent en tête au Danemark. Ils devraient reculer d'une vingtaine de sièges au sein de l'hémicycle européen, passant de 71 à 52 membres selon les projections de l'institution. Même constat pour le troisième groupe au Parlement européen, les centristes de Renew Europe, donc où il y a la majorité présidentielle française, qui perdent eux aussi près de 20 sièges dans le futur hémicycle avec 83 élus, dont 13 Français. Enfin, l'extrême gauche se maintient en dernière place avec 37 députés européens contre 35 dans le Parlement européen sortant. Merci Adam. Eh bien, pas de souci, j'espère que vous y voyez plus clair avec ces explications pour les résultats du Parlement européen. Europe On Air est une chronique présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Retrouvez cette émission en podcast dès maintenant sur notre site www.fadjet.net.